Plein été par Edith Wharton. Chapitre 1er. La porte de la maison de l'avocat Royal, située à l'extrémité de l'unique rue du village de North Dormer, venait de s'ouvrir. Une jeune fille parut et un instant s'arrêta sur le seuil. Du ciel printanier et transparent, les rayons d'une lumière argentée s'écrasaient sur les toits du village, sur les bois de mélèze et les prairies environnantes. Au-dessus des collines, entre les nuages blancs et floconneux, une brise légère flottait, chassant le reflet à travers champs et le long de la route herbue qui traverse North Dormer. Le village, élevé et à découvert, ne jouit pas de l'ombre abondante qui abrite les régions mieux protégées de la Nouvelle-Angleterre. Les saules pleureurs, au bord de l'étang à canards, et les sapins de Norvège, qui se dressent devant la grille de la propriété de Miss Hatchard, forment les seules taches d'ombre entre la maison de l'avocat et le point où, à l'autre extrémité du village, après avoir dépassé l'église, la route contourne le massif noir des sapins du Canada qui borde le cimetière. La brise de juin, soulevant la poussière de la rue, secouait dans sa course les branches maussades des sapins devant la demeure de Miss Hatchard. Soudain, un remous plus vif fit sauter le chapeau de paille d'un jeune homme passant par là, le fit tournoyer un instant et le déposa au beau milieu de l'étang. Comme le jeune homme courait, cherchant à repêcher son chapeau, Charity Royal remarqua que c'était un étranger. Il était élégamment vêtu et riait à belles dents, comme la jeunesse sait rire de pareilles mésaventures. Le cœur de la jeune fille s'était contracté. Elle avait eu ce mouvement de recul qui s'emparait d'elle presque toujours à la vue de visages insouciants et heureux. Intriguée, elle rentra dans la maison et feignit de chercher une clé qu'elle savait avoir dans sa poche. Un petit miroir, légèrement verdi, surmonté d'un aigle doré, pendait au mur du vestibule. Avec attention, elle s'y examina et souhaita pour la millième fois d'avoir les yeux bleus comme Annabel Barr, la jeune fille qui venait quelquefois de Springfield, passer une semaine avec la vieille Miss Hatchard. Puis, assurant son vieux chapeau de paille brûlé sur sa petite tête brune, de nouveau elle sortit au soleil. « Comme j'ai horreur de tout » murmura-t-elle. Cependant, le jeune homme qui avait reconquis son chapeau franchissait la grille de la maison Hatchard. La rue était vide. North Dormer, à toute heure, est un désert. Et au milieu de l'après-midi, en juin surtout, les quelques hommes valides qui n'ont pas émigré sont dans les champs ou dans les bois, tandis que les femmes, demeurées à la maison, vaquent sans entrain leur menu corvée d'intérieur. Charity Royal avait repris sa marche, regardant tout autour d'elle, avec cette attention soudaine, qui fait naître la présence d'un étranger dans un endroit qui vous est familier. Tout en jouant négligemment avec la clé pendante à son doigt, elle tâchait de saisir l'effet que pouvait bien produire North Dormer sur les gens qui venaient de la ville. Elle-même y vivait depuis l'âge de 5 ans. Longtemps, elle avait cru que c'était un endroit de quelque importance, mais l'année précédente, Mr. Miles, le nouveau pasteur du temple protestant de Hepburn, qui venait tous les 15 jours célébrer le culte dans l'église de North Dormer, si toutefois les routes n'étaient pas rendues impraticables par le transport des arbres abattus, avait proposé un beau jour d'emmener les jeunes gens à Nettleton pour entendre une conférence sur la Terre Sainte avec projection. Les quelques jeunes filles et garçons représentant l'avenir de North Dormer avaient donc été empilés dans un char à banc et conduits de l'autre côté des collines jusqu'à Hepburn, d'où un train omnibus les avait menés à Nettleton. Au cours de cette inoubliable journée, Charity Royal, pour la première fois de sa vie, avait fait connaissance avec le chemin de fer. Elle avait regardé des magasins de nouveautés à grande baie vitrée, mangé de la tarte à la noix de coco, puis, pénétrant dans une salle de conférence, elle avait écouté un monsieur qui disait des choses incompréhensibles devant des tableaux qu'elle aurait eu grand plaisir à regarder, si les explications du conférencier ne l'avaient empêché de les comprendre. Cette initiation lui avait démontré que North Dormer n'était qu'un pauvre petit village et avait éveillé en elle une soudaine honte de son ignorance, honte que jamais ses visites à la bibliothèque du village n'avaient pu susciter. Fiévreusement, pendant un mois ou deux, elle se plongea au hasard dans l'étude des volumes poussiéreux de la petite bibliothèque fondée en souvenir du jeune Honorius Hatchard, qui donnait à l'obscur village un certain cachet de culture vieillotte. Mais bientôt le souvenir de Nettleton s'affaiblit, et plutôt que de continuer à s'instruire, Charity se résigna à considérer North Dormer comme la mesure de toute chose. La vue de l'étranger, en ravivant les images de Nettleton, réduisit North Dormer à ses véritables proportions. tout en promenant ses regards d'un bout à l'autre de la rue, depuis la maison de Mr. Royal, au mur d'un rouge lavé, jusqu'à l'église, toute blanche, la jeune fille en mesura impitoyablement les limites. Pauvre village des montagnes, battu par les vents, et brûlé par le soleil, abandonné des hommes, dédaigné par le chemin de fer, le trolley, le télégraphe, et toutes les forces qui relient entre elles les agglomérations humaines. Il n'y avait à North Dormer ni boutique, ni théâtre, ni conférence, ni centre d'affaires, rien qu'un temple qui s'ouvrait tous les deux dimanches, si toutefois l'état des chemins le permettait. Il y avait bien la bibliothèque, mais on n'avait pas acheté de nouveaux livres depuis 20 ans, et le tout moisissait en paix sur les rayons humides. Cependant, on avait toujours dit à Charité Royale qu'elle devait considérer comme un privilège d'habiter North Dormer. Elle savait que, comparativement au lieu d'où elle venait, le village possédait tous les avantages d'une civilisation raffinée. Depuis qu'enfant elle y avait été amenée, tous les gens du pays n'avaient cessé de le lui ressasser. Même la vieille Miss Hatchard, à une heure terrible de la vie de Charity, lui avait dit « Ma petite, n'oubliez jamais que Mr. Royal vous a ramené de la montagne. » On l'avait en effet ramené de la montagne, de cette falaise, qui dressait sa tragique muraille au-dessus des collines plus basses de la chaîne de l'aigle, Eagle Range, faisant à la vallée solitaire comme un fond perpétuel de mélancolie. La montagne était bien à 20 kilomètres de là, mais elle se dressait de façon si abrupte que son ombre semblait se projeter jusqu'au nord d'Ormer. Et c'était comme un grand aimant, attirant les nuages pour les disperser en tempête à travers la vallée. Si jamais, dans le ciel d'été le plus pur, traînait une légère vapeur ce nord d'Ormer, elle filait droit sur la montagne comme une barque entraînée par un tourbillon, et là se trouvait accrochée au rocher, déchirée et multipliée, pour être balayée ensuite sur la vallée qu'elle noyait de pluie et de ténèbres. Charity n'avait pas d'idée bien nette sur la montagne, mais elle savait que c'était un endroit mal famé, que le fait d'en être venue était une honte, et qu'en toutes circonstances elle devait, comme le lui avait justement rappelé autrefois Miss Hatchard, se souvenir qu'on l'en avait arrachée et s'en estimer heureuse. Les yeux fixés sur la montagne, elle faisait, comme d'habitude, un violent et sincère effort pour éprouver de la reconnaissance. Mais la vue du jeune homme qui venait d'entrer chez Miss Hatchard avait ressuscité la vision des rues brillantes de Nettleton, et Charity se sentit honteuse de son vieux chapeau, écœurée de North Dormer et jalouse d'Annabel Barr de Springfield, dont les yeux bleus s'ouvraient chaque jour sur des spectacles plus brillants encore que ceux de Nettleton. « Comme j'ai horreur de tout » répéta-t-elle. À mi-chemin de la rue, elle s'arrêta devant une grille basse, la poussa, et suivit un sentier pavé conduisant à une petite construction en briques, avec des colonnes de bois blanc, supportant un fronton où se lisait en lettres dédorées, fondé en souvenir d'Honorius Hatchard, 1832. L'illustre Honorius avait été le grand-oncle de la vieille Miss Hatchard, et celle-ci ne concevait pas pour elle-même d'autre titre de distinction que d'être sa petite nièce. Car Honorius Hatchard, dans les premières années du XIXe siècle, avait joui d'une modeste célébrité, ainsi qu'une plaque de marbre fixée à l'intérieur de la bibliothèque l'apprenait aux rares visiteurs. Il avait possédé de remarquables dons littéraires. Auteur d'une série d'essais recueillis sous le titre de « Reclus de l'Eagle Range », il avait entretenu des relations avec Washington Irving, Fitzgreen Halleck et leur groupe littéraire. Ensuite, il avait voyagé en Europe, était mort jeune, moissonné dans sa fleur par une maladie de langueur contractée en Italie. Tel était le seul lien rattachant North Dormer à la littérature, un lien commémoré pieusement par l'érection du monument où Charity Royal, chaque après-midi du mardi et du jeudi, s'installait à son bureau sous la gravure tachée de rouille représentant le jeune Hatchard, en se demandant lequel des deux était le plus mort, de lui dans son tombeau ou d'elle dans sa bibliothèque. Entrant d'un pas nonchalant, elle enleva son chapeau et en coiffa négligemment un buste de Minerve en plâtre. Puis elle ouvrit les volets, se pencha pour voir s'il y avait des œufs dans le nid d'hirondelles sous l'auvent d'une des fenêtres, et s'asseyant ensuite derrière son bureau, elle en sortit un rouleau de dentelle de coton et un crochet d'acier. Charity n'était pas une ouvrière experte. Il lui avait fallu bien des semaines pour faire un demi-mètre de la dentelle étroite, qu'elle gardait enroulée autour de la couverture arrachée à un exemplaire de l'allumeur de réverbère. Mais il n'y avait pas d'autre manière de se procurer de la dentelle pour garnir sa blouse d'été. Et depuis qu'Ally Hobbs, la fille la plus pauvre du village, s'était montrée le dimanche au temple avec un corsage ajouré, le crochet de Charity avait travaillé plus vite. Elle déroula l'ouvrage, s'attaqua à une maille et se pencha sur sa tâche en fronçant les sourcils. Tout à coup, la porte s'ouvrit, et avant de lever les yeux, elle devina que le jeune homme qu'elle avait vu entrer chez Miss Hatchard venait de franchir le seuil de la bibliothèque. Sans faire attention à elle, il se mit à parcourir lentement la petite salle voûtée, les mains derrière le dos, scrutant de ses yeux de myope les rangées de livres aux reliures fanées. Enfin, il atteignit le bureau et s'arrêta devant la bibliothécaire. « Avez-vous un catalogue par fiche, mademoiselle ? » demanda-t-il d'une voix agréable un peu brusque. La question inattendue lui fit lâcher son crochet. « Un quoi ? Mais un catalogue ?» Elle eut conscience qu'il la regardait pour la première fois, l'ayant apparemment à son entrée comprise dans sa revue rapide comme faisant partie du mobilier de la bibliothèque. En la regardant, il avait perdu le fil de sa remarque. Charity s'en aperçut et sourit. Le jeune homme sourit aussi. « Mais en effet, vous ne connaissez sans doute pas ce genre de catalogue, » reprit-il. « Du reste, cela vaut mieux. » Elle crut découvrir une légère condescendance dans son accent et demanda sèchement « Mieux et pourquoi ?»« Parce que c'est si agréable, dans une petite bibliothèque comme celle-ci, de fouiller soi-même, avec l'aide de la bibliothécaire, naturellement. » Il prononça les derniers mots d'un ton si respectueux qu'elle s'adoucit et répondit en soupirant « J'ai peur de ne pouvoir vous être d'un grand secours. Pourquoi ?» demanda-t-il à son tour. Alors elle expliqua que la bibliothèque ne contenait pas assez de livres pour que l'on en dressât un catalogue détaillé, et que du reste, elle-même n'avait lu que quelques-uns. « D'ailleurs, les vers s'y mettent, » termina-t-elle d'un air sombre. « Vraiment, c'est dommage. J'en ai déjà découvert d'intéressants. » Semblant ne plus se soucier de continuer la conversation, il reprit sa promenade devant les casiers, paraissant avoir oublié la présence de la jeune fille. Son indifférence piqua Charity. Elle se remit à son ouvrage, bien décidée à ne plus lui offrir son aide. Apparemment, il n'en avait pas besoin, car il resta longtemps immobile devant les rayons, tournant le dos à la jeune fille, descendant l'un après l'autre les volumes poussiéreux juchés sur une planche du haut. « Oh !» s'écria-t-il tout à coup. Relevant les yeux, elle vit qu'il essuyait avec son mouchoir les tranches d'un livre qu'il tenait à la main. Ce geste la frappa comme une critique indirecte du soin qu'elle devait avoir de ses livres. Elle dit vivement « Ce n'est pas ma faute s'ils sont sales. » Il se retourna et la regarda avec un renouvellement de curiosité. « Ah ? Vous n'êtes donc pas la bibliothécaire ? Mais si, seulement je ne puis pas épousseter tous ces livres. D'ailleurs, personne ne les regarde maintenant que Miss Hatchard est trop infirme pour venir à la bibliothèque. « Évidemment, » conclut-il. Il reposa le livre qu'il avait essuyé et regarda Charity sans rien dire. Elle se demandait si Miss Hatchard l'avait envoyé pour lui faire un rapport sur la manière dont la bibliothèque était tenue, et ce soupçon accrut sa rancœur. « Je vous ai vu rentrer chez Miss Hatchard tout à l'heure, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. Elle avait soudain résolu de savoir pourquoi cet étranger venait ainsi fouiller parmi ses livres. « Chez Miss Hatchard ? Oui, c'est ma cousine, et je suis descendu chez elle, » répondit le jeune homme. Il ajouta, comme pour désarmer sa méfiance visible, « Je me nomme Harney, Lucius Harney. Ne vous a-t-elle jamais parlé de moi ?»« Non, » dit Charity, ennuyée de ne pouvoir répondre affirmativement. « Tant pis, » dit en riant le cousin de Miss Hatchard. Et après un autre silence, pendant lequel Charity eut le temps de se rendre compte que sa réponse n'avait pas été encourageante, il ajouta « Je vois que vous n'avez pas beaucoup de livres sur l'architecture. » L'embarras de Charity devint extrême. Plus elle faisait l'effort pour le comprendre, plus ses remarques devenaient inintelligibles. Il lui rappelait le monsieur qui avait expliqué les tableaux de Nettleton, et de nouveau elle se sentit accablée par le poids de son ignorance. « Je veux dire que je ne vois aucun livre sur les vieilles demeures de la région. Sans doute, cette partie du pays n'a pas été beaucoup explorée. Tous les architectes s'occupent de Plymouth et de Salem. C'est pourtant stupide. La maison de ma cousine, par exemple, est vraiment intéressante. Ce village doit avoir eu un passé. Il a dû même être plus qu'un village autrefois. » Il s'arrêta net, avec cette rougeur d'un jeune homme timide qui surprend tout à coup le son de sa propre voix et qui craint d'avoir trop parlé. « Je suis moi-même architecte, » expliqua-t-il, « et je fais la chasse aux vieilles maisons. » Elle ouvrit de grands yeux. « Des vieilles maisons. Mais tout n'est-il pas vieux, un North Dormer ?» elle répéta. « Ici, tout est vieux. » Il rit et se mit à arpenter de nouveau la bibliothèque. « N'auriez-vous pas un ouvrage sur ce pays ? Je crois qu'il y a eu quelque chose d'écrit vers 1840, un livre ou une brochure sur la fondation de la commune de Leagle County. » Elle appuya son crochet contre sa lèvre et réfléchit. Oui, elle se souvenait en effet d'avoir vu un travail de ce genre. North Dormer et les premières communes de l'Eagle County. Elle nourrissait même une aversion toute spéciale pour ce livre, parce que c'était un pauvre volume déguenillé qui tombait toujours de son casier ou bien qui se glissait derrière les autres livres. La dernière fois qu'elle l'avait ramassé, elle s'était demandé comment l'auteur avait pu prendre la peine d'écrire un livre sur North Dormer et sur les humbles villages voisins, Dormer, Hamblin, Creston et Creston River. Elle les connaissait tous, pauvres groupes de maisons perdus dans les replis des montagnes désolées. Dormer, où North Dormer achetait ses pommes. Creston River, où il y avait eu une fabrique de papier dont les murailles grises s'écroulaient au bord de la rivière, et Hamblin, où tombait toujours la première neige du long hiver des montagnes. Tels étaient leurs seuls titres à la renommée. Charity se leva à son tour et jeta un regard vague sur les rangées de livres. Mais il lui était impossible de se rappeler où elle avait placé le livre sur North Dormer. Elle se rendit compte qu'il avait joué le vilain tour de disparaître encore une fois. Décidément, elle n'était pas dans un de ses bons jours. « Il doit être pourtant quelque part, » dit-elle pour prouver son zèle. Mais elle parlait sans conviction et sentit que ses paroles n'en créaient aucune. « Bon, bon, c'est bien, » répondit le jeune homme d'un air distrait. Elle comprit qu'il s'en allait et désira plus que jamais retrouver le livre. « Ce sera pour la prochaine fois, » ajouta-t-il, et prenant le volume qu'il avait posé sur le bureau, il le lui tendit. « Ce livre a une certaine valeur. Il lui faudrait un peu d'air et de soleil. » Il salua en souriant et sortit.